بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour. والليل إذا سجى Par la nuit, quand elle voile tout. ما ودعك ربك وما قلى Ton Seigneur ne t'a point délaissé, ni ne t'a haï. وللآخرة خير لك من الأولى Le monde dernier est pour toi meilleur que le premier. ولسوف يعطيك ربك فترضى Ton Seigneur te donnera certes ce dont tu seras satisfait. ألم يجدك يتيما فآوى Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, et il t'a alors donné asile. ووجدك ضالا فهدى Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, et il t'a alors guidé. ووجدك عائلا فأغنى Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, et il t'a alors enrichi. فأما اليتيم فلا تقهر Quant à l'orphelin, ne le persécute point. وأما السائل فلا تنهر Quant au mendiant, ne le malmène point. وأما بنعمة ربك فحدث Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les tout haut.